fois par mois de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, il est 17h tout pile. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2017. Ça fait beaucoup de 17 pour vous souhaiter la bienvenue dans un coup d'œil dans le rétro. Alors, une fois par mois, cette bande de passionnés qui sont en train de danser devant moi vous retrouve le 17h à 18h sur les ondes de Fadjet sur le 94.2 ou peut-être sur Fadjet.net si vous êtes à l'autre bout du monde, je ne sais pas. En tout cas, nous, on est très heureux d'être avec vous pour vous parler eh bien, de la mode, de la déco, des tendances musicales, mais aussi des sorties au niveau local et national. En somme, on vous parle du passé au présent, mes partenaires de jeu. Alors, on va tous les présenter un par un. Et c'est toi qui vas le faire, Annick. Ouh là là, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va ? Oh, quelle pression, oui, ça va bien, merci. Eh bien, alors, ça va le faire quand même. Alors, je vais commencer par les filles quand même. Parce qu'on est tous là autour de cette table depuis cette année. C'est vrai qu'on peut le dire quand même. Cette émission réunit des tas de passionnés, de tas d'univers différents. Tous réunis plus ou moins sur la thématique rétro, il faut le dire. Chacun dans son domaine. Il y a Laura. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. De Fripp Show notamment, entre autres, avec Adrien aussi. Yes. Ça va Adrien ? Ça va super. Depuis le mois dernier, ça s'est rafraîchi dehors, il faut le dire aussi. Hein. C'est pour ça que nous, dans le studio, il fait suffisamment chaud pour vous réchauffer le cœur avant le week-end. Notre Kiki ! Hola ! Qui nous a offert des jolis badges, qui est espagnol hein, depuis quelques minutes. Depuis 5 minutes, il faut le dire, elle va tout faire en espagnol, c'est comme ça. Voyez, habla en espagnol. Ça fait très exotique. Elle nous a offert à tous des petits badges. Alors on est très heureux, d'ailleurs vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, hein, sur notre page Facebook, Fadjet, un coup d'œil dans le rétro. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous, vous verrez. Alors normalement on voit la photo de bienvenue, mais on va faire aussi des tas de photos pendant l'émission, et dont le petit badge de l'homme moderne, c'est ça ? Exactement. Tu vas nous parler de quoi, toi, aujourd'hui ? Ah, moi, je vais parler d'Elsa Schiaparelli. On n'a pas dit, d'ailleurs, Laura, tu vas nous parler de quoi, toi ? Moi, je vais vous parler du Minitel. Du Minitel. Et Adrien ? Je vais parler des adaptations de films en jeux vidéo. Mais pas que. Et l'équipe continue avec notre Clément. Clément, ça va ? Salut, ça va et toi ? Pas trop dans le stress avec l'événement qui arrive ce dimanche ? Un chouïa, à peine. Et donc, tu vas en parler d'ici quelques instants, entre autres ? Avec plaisir. Voilà, et Anaïk, bien sûr. Tu fais quoi, toi, Anaïk, là, pendant cette émission ? Alors, moi, je vais vous parler de déco, de mobilier, du retour du mobilier tubulaire. D'accord, voilà, ok. Un gros programme, tout en rondeur, en tube. Alors, on va lancer tout de suite l'émission avec, notre Clément. C'est notre Clément qui commence, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, je te laisse la parole, Annick. Alors, Clément, donc effectivement, on en a un peu parlé donc, au début. Un gros événement se profile ce dimanche à Nancy, Salle Poirel. Il paraît. Et il paraît, voilà, que c'est le jazz, et on va fêter les 100 ans du jazz. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? En fait, on va le fêter pour la deuxième fois, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est un événement qui s'est déjà produit à Nancy le 26 février 2017. Qui était le jour pour jour le centenaire du premier enregistrement de jazz, donc qui a eu lieu, pour ceux qui sont forts en maths, le 26 février 1917. Et du coup, on a eu un tel succès, et ça c'est aussi grâce au travail du présentateur. Oh, tu parles. On a eu une salle comble, en fait. On a réussi à remplir complètement la salle Poirel avec le club Saint-Lambert, l'association qui a créé ce spectacle. Et du coup, on a choisi de réitérer l'expérience. Et donc c'est pour ça que dimanche, donc après-demain, le 19 novembre à 15h, on fait une nouvelle édition du spectacle Le Jazz à 100 ans. Ok, et donc alors du coup on a eu la première édition, là c'est la deuxième, donc on va continuer en fait l'histoire du jazz. On va trouver des choses différentes de la première fois. C'est une nouvelle édition, c'est-à-dire que bon, on a gardé la trame de base, c'est-à-dire que tout ce qui est romancé, raconté sur une centaine d'années de 1917 à nos jours, on reste sur le principe de base, sauf que on a rajouté plusieurs musiques et on en a changé d'autres, enfin on en a switché d'autres. En gros, il y a environ la moitié du répertoire qui a été qui est renouvelé quoi. D'accord, donc du coup il y a plusieurs artistes qui vont monter sur scène. On a alors il y aura on va passer aux États-Unis, en France, on va repasser aux États-Unis. Donc on a pour la France par exemple, on a un passage de jazz manouche et on a réussi à trouver un vrai guitariste manouche qui vient génial, sur scène. Ouais. Pour jouer de la guitare. On a un pianiste allemand. Donc en plus voilà, on a même trouvé on s'est donné du mal pour trouver vraiment des pointures en termes de musiciens qui viendront des quatre coins de, bon, il y a beaucoup de Lorrain, mais il y a aussi des quatre coins de l'Europe pour venir nous jouer des super morceaux quoi, et traverser 100 ans d'histoire en musique racontée par François Barthélémy. C'est ça, mais alors on l'a beaucoup vraiment, de Lorrain, on l'a vraiment travaillé ensemble et c'est une partie prenante parce que au départ, pour expliquer aux gens, moi je suis vraiment un spécialiste dans le jazz. Ouais. Et j'ai bien aimé. Oui, non mais j'ai le côté comme en anglais quoi, tu sais, c'est voilà, même niveau, quoi. C'est ça. Ouais. Et plutôt que de se faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, hein, voilà. Et il y a suffisamment des spécialistes et notamment Pierre Rebou, hein, voilà, l'orchestre, qui étudie, voilà, qui est une bible ambulante du jazz. Mais avec Clément aussi, hein, voilà, c'est deux. Donc moi, à côté de ça, je me dis bon les gars, je veux bien être gentil, mais je vais pas pouvoir vous apprendre des choses. Alors finalement, l'idée a été, et vous le verrez très certainement, après on s'arrêtera sur le teasing ce dimanche, et bien de se mettre plus ou moins à la place du public, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que ça peut attirer et que ça attirera notamment, et c'est ce qui s'est passé le 27 février, un public large et pas forcément du tout des spécialistes, c'est pas que pour les spécialistes. En fait, c'était ça qui était génial, c'était que on avait la boucle était bouclée, si je puis dire, parce que le jazz à la base, c'est une musique quand même très populaire. Avant les années 30-40, c'était plutôt de la musique très populaire et qui était déconsidérée par les hautes classes sociales. Et du coup, on s'est retrouvé avec un panel de spectateurs qui venaient de tous horizons, quoi. Mmh. Il y avait des étudiants, il y avait du troisième âge, il y avait des musiciens, il y avait des gens qui étaient simplement curieux de découvrir ce spectacle. Et on peut venir en famille avec les enfants. Ouais, il y avait des enfants, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est vraiment, donc ça c'est ce dimanche. Il reste des places, voilà, c'est ça. Encore Alors eh ben on a vendu un peu plus de 700 places. Donc il nous reste un peu moins de 100 places parce que la salle pour elle fait 800 places. Ouais. Donc voilà, il reste une petite centaine de places. D'accord. Et du coup si on veut choper les dernières places, donc donc là on est vendredi 17h, donc le guichet de la salle pour elle vient de fermer. Donc il faut vous rendre à la Fnac. Alors sur le site internet, ça marche aussi, le site internet de la Fnac, mais vous pouvez aussi aller en boutique Fnac. Donc il y a la boutique Fnac au centre-ville. Ou toute autre boutique Fnac. Et bien sûr, la Fnac est ouverte demain, samedi encore. Et sinon, il y aura des places. Les non vendus seront vendus sur place en dernière minute dimanche à 15h. Enfin, d'accord, plutôt à 14h30. Mais voilà, ouais, il restera, il y aura, on sera guichet ouvert. Bon. Le jazz à 100 ans, la nouvelle édition, ce dimanche, c'est ça. Tu voulais poser une question peut-être? Oui, non, je voulais juste rappeler qu'on pouvait aussi avoir des infos aussi sur le Club Saint-Lambert. Donc, vous avez le site, vous avez la page Facebook. Et pour les gens qui veulent découvrir, vous pouvez pianoter sur voilà, votre ordi. Vous allez retrouver d'ailleurs plusieurs musiciens et compositeurs qui sont déjà apparus dans cette émission et qui apparaîtront aux émissions suivantes. Il y a pas mal de musiciens dont je vais reparler dans les mois à venir. D'accord. Dans l'émission. Est-ce qu'on parlera de Fats Waller normalement? Il y aura un morceau de Fats Waller. Il y aura un morceau de Fats Waller, c'est pour ça. C'est la proposition de Clément du jour. Les amis, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro. On est ensemble jusque 18h. Prenez le temps, c'est le début du week-end. Il y a encore pas mal de choses à faire ce week-end. En tout cas, déjà, en premier lieu, de nous écouter. Bienvenue à vous. Loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. She's got a form like Venus. Honest, I ain't talking Greek. No one can come between us. She's Bathsheba, I'm a she. That's why everybody loves my baby. But my baby don't love nobody but me. Nobody but me. That's his serenade, my baby. Thank you. my rosy cheeks. I just let those kisses beat. Don't wash my face for weeks. That's my end. Fat Sweller sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Vous êtes à l'écoute de Fadjet. Si vous êtes en week-end, peut-être déjà profitez-en. Nous, on est bien tous les vendredis, enfin tous les vendredis, un vendredi par mois. Ça passe tellement vite, j'ai l'impression que c'est presque tous les vendredis, hein, alors que c'était le mois dernier. Mais c'est un vrai plaisir, donc voilà. C'est vrai. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs tous les podcasts de nos dernières émissions sur le site www.fadjet.net, rubrique podcast. C'est pas plus simple que cela. Alors, on va passer à quoi, Anaïk, au sujet, au programme du jour? J'ai l'impression d'être à l'école, tu sais. Interroger. Bah oui, parce qu'il faut y aller, quoi. Alors aujourd'hui, bon, on va parler mode avec notre Kiki nationale. Et Christelle, tu vas nous parler donc d'Elsa Schiaparelli. Voilà, je vais vous parler d'une créatrice de mode rebelle, choquante et scandaleuse. Ouh, pour son époque. Un peu comme toi, quand même. Oula. Choquante, rebelle et scandaleuse. Tout à fait. C'est aussi l'une des personnalités les plus brillantes de l'histoire de la haute couture. Il s'agit donc d'Elsa Schiaparelli. Déjà avec un nom comme celui-ci, on imagine une artiste très inspirée qui dirait « Oh là là, ma chérie, ne bouge plus, j'ai une vision pour toi. Tu dois porter un chapeau en forme d'anaconda. » Vous l'avez compris, Elsa Schiaparelli est une créatrice d'origine italienne. Elle est née à Rome en 1890. Déjà très jeune, elle choquait en écrivant des poèmes érotiques qui ne plaisaient pas tellement à sa famille. Elle fut donc envoyée au couvent où elle fit une grève de la faim. Ouh, la vilaine. Elle a ensuite vécu à Londres, puis à Paris, où le destin lui fit rencontrer des artistes dadaïstes et surréalistes, par exemple comme Marcel Duchamp, Man Ray et même Dali. Son premier magasin à Paris, elle l'a ouvert en 1927 et ça s'appelait « Pour le sport ». Il était bien sûr situé rue de la Paix, hein, la rue la plus chère du Monopoly, encore une fois. Voilà. Elle y crée le premier pullover tricoté à la main avec un motif trompe-l'œil. Alors soit c'était en noir et blanc, soit c'était en noir avec des couleurs vives. Et les motifs étaient assez sympas. C'était des motifs avec des formes de nœuds, des formes géométriques, des squelettes, des cœurs transpercés, des tatouages de marins ou une tortue abstraite. Du genre de ceux du Frip Show, quoi, assez kitsch. Qu'on pourra retrouver certainement ce week-end, quoi. Exactement, on fera le lien, du coup. Eh bien, c'est un succès immédiat, ce pull. Il est adopté par les créatrices et les célébrités de l'époque. Même Vogue le qualifie de chef-d'œuvre. Le pull à nœuds en trompe-l'œil, c'est un véritable succès direct. Et le célèbre magazine, un célèbre magazine, publie le patron sans mentionner le nom de la créatrice. Ça se fait pas trop, ça. Ça, j'aime pas ça. En 1928, après ce premier succès, elle enchaîne les collections en créant des pyjamas de plage, des costumes de bain, des ensembles sportswear en tweed et même des tenues de ski jusqu'aux robes du soir. Bah, c'est vachement avant-gardiste, parce que c'est que des trucs en fait, qu'on revoit aussi aujourd'hui. Bah, ouais, exactement, ça revient à fond, tous les pulls comme ça. En 1930, elle crée des manteaux et des tailleurs avec des épaules super marquées. Elles sont qualifiées de art chic. Pour l'époque, déjà, c'est un terme assez bizarre. Elle crée un maillot de bain, une pièce avec un soutien-gorge intégré et elle dépose le brevet. Ce principe, il sera décliné même sur des robes du soir. Et quelques années plus tard, elle s'installe dans un hôtel qui comptait 5 étages, rien que ça, 98 pièces et 500 employés pour coudre les vêtements. Bon, elle a bien réussi la petite quand même, quoi. Ouais. Après, c'est un peu moins drôle, ça s'écroule un peu, mais elle a eu quand même un véritable succès. Du coup, pour fêter ce succès, elle crée un imprimé papier journal constitué de morceaux découpés d'articles de journaux qui la concernent. Donc c'était assez avant-gardiste en effet. C'est à ce moment-là qu'elle commence à collaborer avec des artistes qu'elle avait rencontrés auparavant au début de ses années à Paris. Donc avec Dali, par exemple, il créa pour elle un tissu orné d'un homard. Évidemment. Donc on n'était pas loin de l'idée de l'anaconda dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle travaille aussi avec Jean Cocteau, qui est poète et dessinateur, pour ceux qui suivent pas trop. Avec Giacometti aussi, qui est un sculpteur. Jean Dunant, alors lui, je ne le connais pas, mais il crée pour elle un plissé en trompe-l'œil pour une robe du soir. Un plissé? Oui. C'est quoi un plissé? Eh ben, c'est des plis, en fait, sur la robe. Mais c'est juste une impression trompe-l'œil, c'est pas des vrais plis. D'accord. C'est une sorte de peinture. Rien à voir avec les yeux plissés, alors. C'est des plis. Donc les artistes qui créent pour elle créent des motifs ou même des objets, des décors et des accessoires. En 1938, elle crée la collection Le Cirque. C'est la première en fait créatrice de mode qui donne des thèmes à ses collections. Ça se faisait pas avant. Après, du coup, elle en a fait plusieurs comme ça sur des thèmes différents. Donc on peut dire qu'Elsa Schiaparelli, elle apporte à la mode une dimension sacrément artistique. Elle transforme par exemple un escarpin qui devient un chapeau. Ça, c'est une des photos qu'on connaît le plus sur elle. Elle utilise des fermetures éclair comme élément décoratif, donc elle détourne les éléments pour en faire autre chose. C'est elle qui inventa la jupe culotte pour la garde-robe féminine. La fameuse jupe culotte. Qu'on a traumatisée quand ma mère voulait que je mette ça pour être jeune. J'étais gamine. Moi aussi, je voulais pas mettre ça dans les bons. C'était en buzz. C'est ça. Elsa Schiaparelli, elle voulait choquer. Il fallait qu'elle utilise des couleurs criardes. Notamment, on entendra beaucoup parler, on a entendu beaucoup parler du rose pétant qu'elle nomma le rose shocking et qui restera sa marque de fabrique. Elle lança aussi des parfums. Dont le flacon représentait le torse moulé de Mae West, qui était le sexe symbole hollywoodien de l'époque. Ça a fait un gros scandale. Donc elle développa du coup beaucoup de parfums, mais aussi des lunettes, des bijoux, et elle signa de nombreuses licences aussi avec les États-Unis. Donc énorme succès. En 1940, elle a dû partir au moment de la guerre, elle est partie vivre aux États-Unis. Et après la libération, elle est revenue en France. Elle a embauché un modéliste pour l'aider dans son travail. Et il s'appelait Givenchy, ce monsieur. Et puis après, elle commence à avoir des difficultés financières. Donc elle doit fermer sa maison de couture en 1954. Elle décède à l'âge de 83 ans en 1973. Et depuis, il y a eu quand même du renouveau avec la marque Schiaparelli. Les droits ont été rachetés en 2006. Et depuis 2012, la maison de couture dans l'hôtel qu'elle avait ouvert en 1932 a réouvert. D'accord, ok. Donc c'est une sacrée histoire, il y avait plein d'autres anecdotes. Mais ça aurait imagine, été... oui. Mmh. Ouais. Belle histoire d'Elsa. Mmh. Alors je sais de rouler là. J'ai jamais réussi à rouler l'air. Merci Kiki, c'était très intéressant. Hein. C'est vrai sur cette grande dame. On va faire une pause musicale, les amis. C'est un artiste contemporain. Pourtant, comme beaucoup aujourd'hui, il chante un peu rétro, c'est le cas. Et c'est Nick Waterhouse. On l'entend beaucoup à la radio en ce moment. Hein. Énormément, et c'est notamment Old Place. C'est un extrait de son troisième album, Never Twice, en 2016. Les amis, vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro. On est ensemble jusque 18h, bien sûr. Talking about trading that energy, pouring on. Nick Waterhouse sur Fadjet 94.2. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94.2 en modulation de fréquence. Si on vous a pas suffisamment répété 94.2 la fréquence, on parle même à l'ancienne hein, sur la fréquence 94.2 parce qu'effectivement, oui, mais c'est aussi sur Radio Fadjet, bien évidemment. Sur le net, on est aussi moderne quand même un petit peu. Vous pouvez aller voir, on est directement eh bien, en live et en direct si vous êtes à Strasbourg, en Australie. Il existe un Strasbourg en Australie, je le sais de source sûre. Donc en tout cas, on est très heureux, vous l'aurez compris. Et aussi sur les réseaux sociaux, on peut aussi noter qu'il y a le blog, un coup d'œil dans le rétro. Tout le à blog. Fait, le blog qui reprend un peu voilà, ses activités. J'avais un peu laissé les choses faire, mais bon, c'est comme voilà. Ça, on n'a pas donc, le temps de tout. Donc, voilà, vous pouvez aller voir le blog, effectivement, c'est coup d'œil dans le rétro, le blog, tout simplement. Et donc, voilà, j'essaie de faire des articles sur ce qu'on dit, en fait, hein, pendant l'émission, et puis sur l'actualité aussi qu'il y a sur Nancy. C'est ça. Donc, la page Facebook, on a aussi une page Instagram. Hein, si on a aussi une page Instagram. Aussi, vous pouvez vous abonner, bien sûr. Et aller aussi sur les pages respectives de nos artistes aussi, parce qu'on peut le dire ainsi, autour de cette table, il y a beaucoup d'artistes, notamment bah, le Club Saint-Lambert, Christelle Youplaboum, Adrien et Laura, avec la page Fripp Show. C'est une ouais, page c'est aussi ça. Fripp Show. Ouais. Voilà, donc n'allez pas dire qu'on vous informe pas. On poursuit cette émission. En tout cas, on a déjà vu un peu là, en l'occurrence, un artiste, un événement. Et là, on va aller du côté eh bien, du mobilier, de la déco, on peut le dire ainsi. On va vous parler. On va vous parler de quoi ? On va parler de tubes. De tubes, en fait, de mobilier tubulaire qui, eh ben, qui fait son grand retour aussi un peu dans nos intérieurs. Et le mobilier tubulaire, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, le mobilier tubulaire ? Eh ben, ça date un peu quand même, c'est le mobilier tubulaire. Ça date des années 20. Donc, vous voyez, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas d'hier, en fait. Hein, et ça n'a pas pris une ride et on en retrouve partout. Alors, ça tient son nom, en fait, de ce qu'il inclut, en fait, dans sa structure. Et vous l'aurez compris. Donc, il s'agit de tubes de métal. Et en général, ces tubes en métal sont en acier. Donc au niveau un peu histoire, on doit l'un des premiers sièges tubulaires en fait à Marcel Breuer, qui est un architecte et un designer allemand d'origine hongroise. En fait, il a créé en 1925 un fauteuil très célèbre qui s'appelait le fauteuil Vassili. On l'appelait aussi le fauteuil B3. Alors à cette époque, ils aimaient bien donner des noms aussi avec des lettres et des numéros en fait aux choses. Le BZ. Voilà, par exemple. Merci Laura. Effectivement. Le BZ, c'était un peu plus tard, par contre. C'était pas dans les années 20. Donc en fait, si on retourne un petit peu au temps du mobilier tubulaire, donc le tube métallique à cette époque, en fait, était utilisé essentiellement pour les cadres de bicyclette ou dans la structure des avions. Mais jamais dans l'ameublement. Donc, c'était vraiment une révolution. Et le nom Vassili, donc en fait, il rendait hommage à un artiste russe. C'était une véritable révolution à cette époque. Donc, je vous mettrai des photos aussi sur la page Facebook ou sur le blog pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc là, c'était en 1925. Et un an plus tard, en fait, Marc Stam a développé le principe de la chaise en porte-à-faux avec un piétement tubulaire. En fait, ça proposait un espèce de... Ça faisait comme un modèle aérien. On essaye de se représenter. Ouais, je vous mettrai des photos et c'était en fait très aérien et on avait un peu l'impression de flotter dans l'air. Donc je peux vous dire que pour l'époque c'était vraiment une vraie révolution parce qu'en fait beaucoup de meubles étaient en bois à l'époque et là l'acier, le tube, c'était vraiment quelque chose encore une fois d'avant-gardiste quoi. Et en 1928, donc un nom célèbre, Le Corbusier, donc que on tout le monde connaît. Tous, donc lui, en fait, avec Charlotte Pierrand et Pierre Jeanneret, en fait, il a créé une série de sièges très célèbres aussi et qu'il a nommé. Donc on parlait tout à l'heure de lettres et de chiffres. LC1, LC2, LC3 et LC4. Mmh. Donc ça fait un peu, on a l'impression de se voir en groupe de musique avec les L5, mais c'est pas du tout. Il y a aucun rapport en fait à l'époque. Et tous les modèles en fait déclinaient en fait une structure en acier chromé. Donc c'était soit brillant ou soit laqué en noir mat et des sièges et des dossiers en peau. Donc à ce moment-là, à partir de là, en fait, la mode du mobilier tubulaire a été lancée et les meubles en tube de métal donc, ont rencontré un vrai succès tout au long des années 30. Et la plus iconique des chaises longues donc de Le Corbusier, la mythique LC4 qui fut conçue par toute l'équipe. Elle a été produite en France, en Suisse, en Italie et à l'époque c'était des revêtements en caoutchouc qui étaient installés en fait sur la partie où on mettait les pieds. Et la structure, cette structure en fait permettait, quand on appuyait dessus, de bloquer en fait la chaise longue. Oui. Vous voyez, donc aujourd'hui voilà, ça nous semble complètement banal, mais à l'époque, encore une fois, c'était une vraie révolution. Et cette technique en fait, donc, a été mise en place par Le Corbusier. Bah en fait, c'était sa création la plus connue. Et elle est, bah, je peux vous dire que j'ai regardé les prix un peu sur internet. Coup de bon bec, hein. Et voilà, ça peut aller pas trop de Trajibus qu'on achète ça. Ouais, ça peut aller de 300 euros à 7000 euros quand même. Wow. Donc je peux vous dire que si voilà, dans vos familles il y a Mémé ou Pépé qui a acheté voilà une chaise comme ça ou une chaise longue. Ouais, bon, la pique tout doucement, voilà. Un dimanche. Faut la garder en fait. Hein. Tourner. Donc la révolution un peu des meubles tubulaires, c'était pas juste des chaises, il y a aussi eu des lits, il y a eu aussi des tables d'appoint. Et aujourd'hui, les meubles tubulaires, en fait, on en retrouve partout dans nos intérieurs. On en voit aussi pas mal dans les catalogues de déco. Bah évidemment, ça apporte une touche quand même pas mal vintage. Ça se décline un peu facilement dans la maison. Ça s'accorde avec plein de styles. Ça, voilà, avec le bois, avec le cuir, avec les formes scandinaves qu'on peut trouver un petit peu partout. Et voilà, ça ira partout en fait chez vous. Donc je vous mettrai plein de photos et voilà. D'ailleurs, les amis, si on parle un peu de vos décorations intérieures. Alors attention, pas les organes. La décoration. J'ai mis un petit sapin. À mon avis, t'as pas envie de voir ça. C'est ça, la décoration de votre mobilier. J'en connais quelques-uns, pas d'autres. Je sais que chez Clément. Alors toi, t'es dans quel style? T'es dans de l'art déco nancéen? T'es dans quoi? J'ai pas d'art déco moi. Non. Moi, j'aime beaucoup le bois. T'aimes beaucoup le bois. Meubles en bois. Chez moi, on vient de fabriquer avec un ami un buffet en chêne massif de 2 mètres de long. Ouais. C'est un copain qui est architecte, donc il m'a aidé du coup. Bah, bien sûr. C'est pratique. Et sinon, j'ai un piano aussi. Donc, est-ce que ça correspond à une époque ou c'est un mélange d'époques? Je dirais que c'est plutôt un mélange d'époques parce qu'en fait, l'endroit où j'habite, il y a un côté un peu studio aussi, un peu loft avec des poteaux métalliques et mélange métal-bois. Donc il y a un côté steampunk aussi. Ça, oui, d'accord. Donc, mélange des genres. Voilà. Christelle, toi, t'en es où au niveau déco? La récupère. Ouais, c'est pas mal de récup en la effet. Récup, ouais. Un copain qui était parti. Vivre en Suède, il nous a affilé pas mal de choses. Donc là, c'est Christelle et c'est Laura. C'est un mélange. Oui, voilà, on est colocs. Donc, il faut avoir les mêmes goûts, quand même. Non. C'est mélangé. Il y a pas mal d'esprit pin-up, quand même. Quoi. Ouais. Oui. Des affiches, des choses comme ça. C'est ça. Il n'y a pas non plus une des années particulières. On n'est pas dans les années 20, on n'est pas dans les années 50. C'est un mélange de toutes les années 70, un mélange de tout. Quoi. On a fait un mixte entre nous. Un mixte. Et Adrien, toi Moi, je dirais que c'est un mélange d'anciens et de récents aussi. Mais en fait, c'est surtout les tableaux. En fait, je suis fou de tableaux. J'en mets vraiment partout. C'est vrai? Ouais, ouais. Alors, tu cumules les tableaux sur un même mur? Ouais, en fait, je peux faire un mur de tableaux. Ouais, quoi. C'est ça, oui. D'accord. Ouais, j'adore ça. T'adores ça. Et Anaïk, alors toi, c'est comment chez toi? Alors nous, c'est un petit peu mélangé aussi. On a des années 60-70. On a de la moumoute. On a de la moumoute verte. On avait des rouges avant, mais en fait, on s'en est séparés. Voilà, c'est un peu... Alors le problème avec les couleurs flashy, c'est qu'au bout d'un moment, tu te lasses un petit peu quand même. Hein, parce que si c'est vraiment vrai. Toujours des choses très, très flashy, c'est à un moment donné, tu as envie de changer. En tout cas, ça reste assez ancien. C'est pas moderne. Il n'y a pas d'intérieur chez vous qui est complètement moderne. Hein. Non, pas du tout. Bon, en tout cas, mais c'est important. Hein, on précise un peu à nos auditeurs, et notamment d'ailleurs, petite transition là-dessus, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais en tout cas, tout du moins, ils ont liké notre photo, c'est Anthony, c'est Fred, c'est Yves, voilà, la radio, c'est Sabine, c'est Maude, aussi Quentin et Nicolas, on vous fait un petit coucou, peut-être coucou, Julien aussi qui nous écoute, n'hésitez pas, voilà, à nous laisser un petit message, en tout cas, on peut vous faire une dédicace à l'antenne, c'est comme ça, moi c'est de la radio des années 80, hein, je parle à l'antenne, moi je parle comme ça. Voilà, d'ailleurs, il y a Koé qui arrive, là. En attendant, on va faire une pause musicale. 7h30, on est à la moitié de l'émission. Et c'est aussi un petit retour dans le passé, mine de rien, parce que ça fait quand même 20 ans. Il est de retour cette année. C'est un rappeur des années 90. C'était toujours bienveillant, assez solaire. MC. Oh. MC O, oh, non. MC Solar, bien évidemment. Merci Laura, tu suis un petit peu, t'es avec nous là. Hein. Mmh. MC Solar, là c'est un titre de 91, donc je vous disais 20 ans, c'est bien plus que ça, ouais, c'est, hein, c'est quand même 26 ans. Bouge de là, donc c'est un single, c'est le single qui a fait connaître, eh bien sûr, MC Solar. Ça parle notamment de ses rencontres avec différentes personnes qui lui ont toutes dit bouge de là, bien sûr, après avoir été vexé par une de ses phrases. Il vient notamment de sortir son nouvel album Géopoétique et sera en concert à Nancy au Zénith le 9 décembre 2018. C'est MC Solar dans un coup d'œil dans le rétro. Bouge de là.

Moi, j'allais dessus à la poste, en fait. Ouais. À la poste. Ouais. Mais fallait quand même prévoir une heure. Hein. Oui, voilà. Ouais. Après, t'allais à la cabine téléphonique. Voilà. La fille qui a 50 ans. Elle y va encore, hein, à la poste. Vous avez plus de Minitel. Ah, d'accord, quand, ok, quand merci. Quand j'étais petit, on en avait un dans la maison. Je l'avais entièrement démonté pour comprendre pourquoi c'était vert. Bon, mais comme... si tu veux, on en vend. Wow. On en vend en flip show. Par contre, toi. Ah, mais comme tous les petits pervers comme moi, on allait tous sur 3615 ULA. Oui, le fameux. Là. On t'a interrompu, ma pauvre. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, c'était un véritable succès économique et populaire parce qu'on avait recensé 20 millions de Français qui l'utilisaient en 95. Ce qui est beaucoup. Ouais, c'est énorme. Et en 97, il rapportait 6 milliards de francs. Ce qui fait en euros. Alors, ça, bonne question. Ça a fait beaucoup d'argent, en tout cas. Ouais. L'invention du Minitel ne résulte pas d'une personne, mais d'un ensemble d'inventeurs qui voulaient mettre au point un outil performant pouvant servir d'annuaire et de transfert d'informations. Donc, en gros, le but, c'était de remplacer tous les annuaires papier. C'était une véritable révolution technologique, puisque le Minitel était la plus grande base de données du monde accessible au grand public. Le premier Minitel était une machine qui disposait d'un clavier, d'un écran tenant d'un seul bloc et équipé d'un modem. Sa caractéristique singulière était qu'il émettait un sifflement aigu, ouais, très dérangeant à son démarrage. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça, on s'en souvient. Et le Minitel ne disposait pas d'une capacité de stockage comme un ordinateur. Il fallait donc se connecter à une ligne téléphonique de France Télécom. Donc, en gros, c'était branché à près du téléphone fixe, quoi. Pour que les informations puissent s'afficher à l'écran. Et le premier Minitel n'avait pas un clavier AZERTY, c'était ABCD. Donc après, ils ont changé ça par la suite. C'était pas très pratique, apparemment. Il y a eu ensuite une multitude de modèles avec le Minitel 2, qui a vu l'apparition des mots de passe permettant de protéger sa session, ou encore le Minitel 10, qui comprenait le téléphone intégré. Donc cette machine demeure une innovation française parce que son export à l'international n'aura jamais connu de succès. Ça reste 100% français. D'accord. Pour se connecter, il suffisait de taper les fameux 3611, 3615 ou 3617. Donc 3615 ULA, on s'en souvient. Ah ben oui. Il faut savoir que le Minitel coûtait bien plus cher que les connexions Internet illimitées d'aujourd'hui, parce que son utilisation était facturée à la minute. Ça pouvait coûter très, pas la note très qu'on aurait aujourd'hui, en fait, à la minute. Comme au départ, du 56K oui, aussi. Bah oui, Internet au début, c'était pareil. Bah oui, La DSL. Donc, il y a encore des personnes qui le considèrent comme une sorte d'Internet avant-gardiste. Et il faut savoir que plusieurs entrepreneurs du web ont fait fortune grâce au Minitel. On peut citer les patrons de Free et de Mythique, par exemple. Ah bon ? Ah, oui, Mythique, tu vois, ULA, elle a servi. Bah oui. Hein. Des services à vocation pratique, ludique, professionnelle ont été développés, comme des horaires de transport, formalités administratives, des jeux, vente par correspondance, consulter sa banque, les données professionnelles, météo, etc. Et il y avait aussi des services d'information, donc l'annuaire, la presse, les petites annonces. Et la dimension de communication a aussi connu un véritable carton avec le boom des messageries instantanées. Très novateur. Il faut aussi savoir que la moitié des connexions étaient destinées au Minitel rose, justement. Ah, on y voit là. Le nombre de services disponibles dessus avait atteint les 25 000 au cours des années 95-97. Alors, quand est-ce qu'il a pris fin, le Minitel, le fameux Minitel ? Eh bien, le Minitel aura été supplanté par le sort d'Internet, qui a vraiment... est devenu majoritaire. En 2009, le groupe France Télécom enregistrait encore 10 millions de connexions mensuelles. En 2010, il y avait encore 2 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme. Ouais, c'est énorme. Pas si loin, en fait. Enfin, bah non. Ouais. C'était il y a 7 ans. Ouais. Et le Minitel signe son arrêt définitif en 2012 en raison d'une baisse notable de ses utilisateurs et des évolutions technologiques qui avançaient toujours de plus belle. Pour la partie anecdote, le Minitel a été le sujet de diverses polémiques à cause de son Minitel rose, où certains voyaient ça comme du merchandising du sexe à outrance. Le Minitel était aussi un visionnaire, parce que l'État s'était porté garant de la confidentialité des messages envoyés sur le réseau. Les utilisateurs pouvaient conserver leur anonymat, ce qui aura permis à des communautés de se développer et de se rencontrer dans le secret du réseau. Donc par exemple, pour des homosexuels, à une époque où il était encore mal vu de voir un couple gay se donner la main dans la rue. Le 3618 était l'ancêtre des SMS. On pouvait communiquer en direct avec des amis à l'autre bout de la France. Le coût d'une heure de communication en cas 1984 avec les 36-15 s'élevait à 60 francs l'heure, soit 9,15 €. Là, j'ai la... c'est converti. Donc, c'est très cher. Et des étudiants d'Epitech à Toulouse ont créé un petit boîtier permettant de consulter des tweets et de naviguer sur Internet avec un Minitel. Donc, d'un point de vue technique, seul l'écran et le clavier du Minitel sont utilisés. Mais cela peut plaire aux nostalgiques et aussi donner vie à un appareil désuet. Pour terminer, on peut dire qu'avec le temps, le Minitel est devenu le symbole vintage des 30 Glorieuses. Il est à présent devenu un objet de collection, symbole de cette époque mythique des 36-15. Et 36-15, il y en avait pas mal des 36-15, et notamment ceci. Jean-Paul, si tu nous écoutes, et je sais que tu es fidèle, tapote sur le 36-15, code qui n'en veut. C'en était un en particulier. Super pub. Voilà, et notamment les chiens hein, qui devaient certainement utiliser beaucoup le Minitel, le 36-15, code qui n'en veut. C'était l'ancêtre des hashtags. C'est ça. Avec c'est le nez bouché. C'est vraiment les ancêtres des hashtags. Merci Laura pour. Et vous en, donc vous en vendez? Vous allez en proposer? On en a, oui. Vous en on avez. En a, ouais. On ne sait pas si ça peut plaire, mais on en a. Petit aparté, là, le Frip Show, c'est quand le... Alors peut-être qu'on doit en parler dans la dernière session, mais on peut peut-être le dire quand même un peu avant. Oh, bah, oui, c'est samedi, dimanche qui vient, là, donc on sera le 18-19. Oui. C'est déjà installé d'ailleurs, j'ai vu là sur les photos sur Facebook, non? Vous étiez déjà pris place, non? Non, en fait, on a mis des photos d'anciens événements. <tout. rire> Pour montrer quand même. Vous donner envie ça. De vous, mais vous installez demain. Et on s'installe demain, ouais. On est quand? Oui, on est vendredi. Ouais. D'accord. Bon, on en parlera à la fin de cette émission. Allez, on fait une pause musicale. Et pourquoi ce titre, Anaïk? Pourquoi ce titre Sugar Town de Nancy Sinatra? Alors, ce titre, en fait, il a été demandé par Laura, voilà. Parce que j'aime bien, voilà, que chacun donne, voilà, une musique de son choix. Je trouve que ça fait découvrir un peu plus aussi sur la personne. Et Laura, c'est une reprise d'ailleurs. Et moi, j'adore, oui. C'est une reprise là, c'est de Zoé de Chanel, l'actrice de New Girl, si vous regardez Netflix de temps en temps. D'accord. Eh bien, allez, on vous laisse avec ce son plutôt sympathique d'un début de week-end, tranquille et surtout, surtout à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro. Just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm a shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo shoo shoo shoo shoo shoo, Sugar Town. Sugar Town. If I had $1 million or ten, I'd give it to you world and then you'd go away and let me spend my life a shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo shoo shoo shoo shoo shoo, Sugar Town. Gartan, reprise ici par Zoé Deschanel. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ah, ça passe tellement vite, il ne nous reste déjà plus qu'un quart d'heure d'émission. Oh, oh non. Non. Ah, si, je suis désolé, c'est vrai. Hein. Bon, bah, en tout cas, c'est pas grave. Hein. On aura quand même parlé de pas mal de choses. Et puis, on vous laissera aller tranquille voguer bien sur ce week-end qui promet d'être frais. Mais je crois un peu quand même beau. Un petit peu, ce petit peu de soleil qui viendra juste entre 17h et 17h12 demain. Hein, donc, soyez présents ici en Lorraine et sortez bien. En tout cas, vous pourrez aller vous réchauffer dans des salles, vous pourrez aller vous réchauffer dans des friperies. Il y a plein de choses voilà, qu'on vous proposera à la fin de cette émission. Adrien, c'est quelque part un peu un geek quand même. Ouais. Ah bah du coup c'est pas péjoratif geek. Non mais tu sais qu'avant ça l'était. Bah oui. Ouais. Pour tout début. Parce qu'on a une image du. On a une image en fait. Du boutonneux. Ouais, c'est ça. Qui reste 23h/24 dans sa chambre. C'est ça. Qui mange des bolinos. Ouais, exactement. Mais pendant longtemps c'était l'image que les gens avaient. Alors que le geek, j'avais revérifié. Je sais pas pourquoi cette semaine. Geek, c'est pas seulement par rapport aux jeux vidéo, mais c'est les nouvelles technologies, les médias. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas seulement. Mais c'est vrai qu'on l'associe beaucoup aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, les gens le disent fièrement. Ils assument être geek. Ils assument être geek. Ouais, complètement. C'est déformé comme terme parce que du coup, les gens le ramènent beaucoup aux jeux vidéo. Au jeu vidéo, ouais, bien sûr. Bah, parce que ça l'a été pendant très longtemps, en fait, je pense. Et donc, notre toi là, qu'est-ce que j'ai fait là? Quelqu'un peut me retrouver mon kick de démarrage. Et toi, en l'occurrence, là, tu vas nous parler des adaptations de films en jeu vidéo. Ouais, c'est ça, parce que du coup, il y a un lien très fort aussi avec le cinéma, en fait. Le média du jeu vidéo, c'est vraiment très, très lié au monde du ciné. Et on trouve aussi des adaptations de jeux en film, du coup. Pour D'accord. le coup. Ça montre vraiment que les deux ont un rôle à jouer et sont vraiment similaires quoi. On le voit de plus en plus maintenant, mais à l'époque en fait ça n'a pas toujours été le cas. Le cinéma s'intéressait pas forcément aux jeux vidéo et on va voir que ça a vraiment évolué. Au début en fait, donc c'est dans les années 90, ça commençait même un petit peu avant, mais je vais surtout parler de la Super Nintendo et de la Mega Drive parce que c'était vraiment à cette époque là où on avait vraiment un nombre d'adaptations de films sur console hallucinant en fait. Pléthorique. Et on y trouvait vraiment de tout. Il y avait du Alien, il y avait du Terminator, L'Arme Fatale, il y avait même du Beethoven. Wow. Donc Beethoven adapté en jeu vidéo. Il y avait aussi tout ce qui était Disney. Donc on avait Aladdin, Le Roi Lion. Et à cette période, en fait, il faut dire que les adaptations de films étaient très qualitatives. Moi, je me rappelle, j'avais eu Aladdin à l'époque. Aladdin, c'était un truc de dingue, c'était un super jeu aussi. Hein, c'est tu revivais vraiment le dessin animé, quoi. T'étais sur le tapis volant. C'était Virgin qui avait fait. C'était ouais, vraiment un super jeu. Ouais. Et il y avait la version Mega Drive et la version Super Nintendo. Mais voilà, du coup, au-delà d'être qualitatif à cette période-là, c'était aussi du coup un moyen pour les constructeurs d'attirer un nouveau public sur leur console. Parce que justement, on en parlait, mais à cette époque-là, le jeu vidéo n'était pas encore aussi populaire que maintenant. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, François, oui. Y a le terme geek. Avant, il y avait le terme no life. Le premier terme, c'était no life. Ça veut dire que t'as pas de vie, quoi. C'est voilà. Incroyable. T'imagines la violence du truc, quoi. Bonjour, no life. Je suis sans vie. Ouais, non, mais c'est ça. Et quand on disait no life, tu le prenais pas forcément super bien, quoi. Non, c'est vrai. Après, c'est devenu geek. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, on l'accepte un peu plus. Mais en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, je sais pas si vous avez des smartphones. Oui, tout le monde a des smartphones. Oui, mais tout le monde joue, en fait, finalement. Oui. Non. Vous jouez peut-être un peu à Candy Crush, ce genre de choses. Oui. Voilà. 2046. Oh bah, je suis loin, moi, je suis à 1764, alors. Partagez sur Facebook pour avoir plus d'infos. Mais du coup, non, voilà, en fait, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le jeu vidéo, c'est pas que des consoles, c'est aussi tout ce qui est smartphone. Et ça touche vraiment quasiment tout le monde. Mais à l'époque, c'était limite nécessaire, en fait, commercialement, de faire des adaptations. Car du coup, c'était un moyen de rapporter de l'argent et de toucher des cibles nouvelles. Et on va voir que cette situation elle a vite changé parce que dès l'arrivée des consoles suivantes, donc comme la PlayStation 1 et la Nintendo 64, en fait les adaptations elles sont faites de plus en plus rares. On a eu des très bonnes avec GoldenEye qui a été adapté sur Nintendo 64, qui maintenant est complètement injouable, mais à l'époque c'était complètement dingue. Et après on a du très mauvais avec Mission Impossible, Alien ou Street Fighter. Donc pour ceux qui connaissent à la base, enfin je pense que tout le monde connaît Street Fighter parce que c'est un jeu qui est de baston ultra connu. Même si vous y avez pas joué, vous connaissez au moins de nom. Et en fait, il a été repris en film avec des vrais acteurs, donc dont Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Voilà, en ville. Qui nous disait ça, Jean-Claude Van Damme? Bonne matinée ou bon après-midi, je sais pas quand. Hein, voilà. C'est Jean-Claude Van Damme. Mais voilà. Qui boit de l'eau, qui pense que l'eau vole. Que la peptine, c'est cool. Et ouais, en fait, du coup, ils ont eu l'idée, suite à ce film-là, de refaire aussi une adaptation de ce film en jeu. Donc ils ont repris le film et ils ont repris les personnages. Donc on peut jouer avec Jean-Claude Van Damme en jeu vidéo. Ah, ça a marché le machin là quand même, non? Eh bah, ben en fait non, le résultat c'est le jeu et le film sont nuls. D'accord. Okay, bon. Voilà, okay, c'est un échec total. Voilà. Et du coup en fait ça montre, je vais faire la transition aussi pour dire que bah, le cinéma aussi a utilisé les jeux vidéo pour faire des adaptations. En fait, dans le jeu vidéo, maintenant, ça se fait quasiment de moins en moins, sauf pour tout ce qui est les licences Marvel ou Disney et DC. Et là, on parle pas forcément d'adaptation, mais d'utilisation de licences. Mais en fait, le cinéma utilise maintenant de plus en plus le jeu vidéo pour faire des adaptations. Comme si, en fait, le cinéma a attendu de voir si le jeu vidéo allait devenir légitime un jour ou pas. Et en fait, oui, aujourd'hui, bah, le jeu vidéo, on sait que c'est légitime. C'est plus une sous-culture. C'est vraiment un vrai média de divertissement et c'est celui qui rapporte le plus, faut le savoir. On parle de budget qui atteignent des millions pour des jeux, quoi. D'ailleurs, les youtubeurs qui sont les plus payés actuellement, au niveau mondial, je crois que c'est, j'ai peut-être écorché son nom, mais c'est PewDiePie. Ouais, voilà. Et ce mec-là, en fait, il joue. Donc vous regardez ce mec jouer et il fait des millions de vues et c'est un des youtubeurs les mieux payés, je crois, sur la toile, quoi. Et comme en France, on a Squeezie aussi, ouais, qui pareil, un des youtubeurs les plus connus et les plus rémunérés. Salut les terriens. Ouais, exact. Ouais, il y a eu un petit débat là-dessus, ouais, d'ailleurs. Mais en fait, voilà. En fait, aujourd'hui, on sait que le vidéo est légitime. D'ailleurs, il y a même la société Vivendi de Vincent Bolloré, en fait, qui s'est approché d'Ubisoft. Ubisoft, c'est ceux qui ont créé les Lapins Crétins. Ils ont surtout créé Rayman. Et Rayman, voilà, j'allais le dire. Et ils voulaient racheter Ubisoft. Ils ont déjà racheté, pardon. Donc ouais, aujourd'hui, le jeu vidéo est un média, pour le coup, qui est très très très crédible. Ouais, des adaptations de jeux vidéo en film. Il y en a eu beaucoup beaucoup. Il y a eu du Tomb Raider, on a vu du Resident Evil, on a vu du Hitman, Silent Hill, Prince of Persia. Récemment, il y a eu Assassin's Creed. Et pour la plupart, bah, faut savoir qu'en fait, elles sont quasiment toutes mauvaises. C'est toujours raté, donc faut pas faire ça. C'est souvent raté, ouais. C'est vrai? C'est souvent raté. Alors que le jeu vidéo, en général, réussit ses adaptations de films. Mais en tout cas, voilà, pour conclure, c'est juste que les deux sont vraiment très liés. Et qu'aujourd'hui, on voit aussi des exemples où ils vont être complémentaires. On va voir des films interactifs en jeu vidéo. On va voir des jeux vidéo qui vont utiliser aussi le film pour faire des mini-séries web à côté. Donc les deux, il y a des crossovers en fait qui se font entre les deux et voilà, c'est ce qui est chouette finalement. Il y a les Français qui sont très forts là-dedans, hein, parce que Quantic Dream, ceux qui font le... Ouais, c'est ça, avec Heavy Rain, pour ceux qui connaissent. Eh ben merci Adrien en tout cas pour cette belle chronique sur les... Donc, mais c'est quand même toujours du coup, pas ta chronique, un échec, mais les adaptations, c'est un échec. Hein, donc... Ouais, si vous voulez rater un premier rendez-vous avec quelqu'un, faites-le Street Fighter, quoi. Ou Mortal Kombat avec Jonathan Lambert. Il y avait le film Mario Bros aussi. Et Mario Bros, ouais. Ok, merci. Dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Vous l'avez vu, on pourrait rester 1 heure, 2 heures, 3 heures. On a plein de choses à vous dire. C'est vrai, l'émission est toujours très très courte, malheureusement. Je suis désolé, c'est vrai que j'ai fait accélérer. Mais on arrive tout doucement jusqu'à la fin. Là, il nous reste 5 petites minutes et c'est le moment un peu de parler notamment des sorties. Alors, Anaïk, les sorties ce soir, notamment. Alors, ce soir, donc, vous pouvez aller à l'apéro jazz, donc au bar Le 15 à l'hôtel de la Reine Plastane. Donc, pourquoi pas pour vous détendre autour d'un apéritif entre amis dans une ambiance donc jazz, décontractée. Vous pourrez y découvrir des groupes de musiciens assez variés, avec des prestations telles que pianiste, guitariste, crooner, trompettiste, enfin, un petit peu tout. Ce soir, d'ailleurs, c'est un pianiste et un cornettiste, trompettiste que vous pourrez retrouver dimanche, salle Porel. Les deux musiciens ce soir seront salle Porel. Un cornettiste? Cornettiste, trompettiste, oui, je dis cornet. Excusez-moi, j'ai des plaques pourries, j'en ai plein, faut que j'écluse. Ensuite, nous avons aussi demain, bien alors sûr, demain, ils sont demain, ici. Ils sont ici, ils sont avec nous, on retrouve les Frip Show. Ça se passe où les Frip Show? Attendez, alors ça se passe au bar Le Milton, oui. Donc c'est 21 rue de la Faïencerie à Nancy. D'accord. Donc demain c'est de 14h à 18h et dimanche de 15h30 à 19h30. D'accord, donc du coup on pourra trouver chiner. Ouais, on a pas mal de nouveautés, des nouveautés de Noël d'ailleurs. En ouais, plus. On a des super pulls bien chauds. Ouais. D'accord, ok. Donc ça, c'est samedi dimanche au bar Le Milton à Nancy. Voilà, je voulais quand même. On a moins beaucoup dans les studios. Hein. Demain, dans un autre registre, à l'espace Jean Jaurès de Tomblaine, c'est l'association Rock'n'Lore qui présente un concert rock dès 21h avec les Dear T-Bone. Dr. T-Bone. Ah, excusez-moi. Bon. C'est vrai, j'ai mal prononcé du coup. Dont le nom est un double clin d'œil au businessman T-Bone Walker et au fer de lance du pub rock, Dr. Feelgood, et un cover band nancéen puisant dans le répertoire du rock anglais, américain, des 60s, 70s, les Stones, les Beatles, ainsi que dans celui des géants du Chicago Blues, du Rhythm and Blues et de la Soul. L'entrée est à 12€ et les adhérents Rock'n'Lore 10€. Toujours donc demain et dimanche, il y a beaucoup de choses à faire ce week-end quand même. Donc de 10h à 20h, on peut retrouver notre Kiki qui est ici, donc à l'atelier des couleurs, c'est ça Christelle? Demain? Non, c'est pas demain. Demain c'est 18h. Ouais, et dimanche. Et dimanche, oui, c'est dès le matin. D'accord. Donc on fait un premier petit marché de Noël sur Nancy. Donc on sera 5 artistes, que des nanas. On vient présenter du coup nos petits cadeaux de Noël. Pour faire ses petites emplettes dès maintenant. Et donc, voilà. Ça s'appelle les lutins du placard, c'est exactement. Ça? Exactement. Les voilà. Lutins du placard à l'atelier des couleurs 100 rue Jeanne d'Arc. Super. Et vendredi 24, et donc là, je saute un petit peu voilà, la semaine. Et samedi 25 novembre, donc les Stibidics, donc qui viennent de lancer leur site, vous proposent donc leur boutique éphémère au Saint-Seb. Donc, ça sera ça le week-end d'après, de 9h30 à 19h30. Donc, 2 jours de Chine non-stop, vêtements, accessoires, chaussures, il y aura plein de choses. Le vendredi 1er décembre, de 20h à 2h, Cab Nomad. Des Mitch Tornade qu'on a déjà reçu qui présente le burlesque Caravan 12 et son grand bal au cabaret d'Iloa à Domartemont. C'est une édition très caliente cette fois-ci, haute en couleur, dans l'esprit des carnavals de Cuba, Rio de Janeiro, Bogota, Barranquilla. Tu veux que je t'aide? C'est une catastrophe, j'ai jamais réussi. Et en hommage à celle qu'on surnomme la bombe brésilienne, reine des comédies musicales latino-américaines dans les années 40, Carmen Miranda. Donc c'est Cab Nomade et ça se passe le vendredi 1er décembre avec la caravane burlesque 12. Et dimanche, Anaïk, l'événement dont Clément, président du club Saint-Lambert, l'événement Le Jazz à 100 ans, nouvelle édition qui est organisée donc par le club. Rendez-vous pour ceux qui ont leur place, sinon c'est dimanche à 15h, mais pour ceux qui n'ont pas, rendez-vous sur le site de la FNAC ou peut-être directement à la salle Poirel dimanche. Exactement. Exactement, les amis. Et bah, c'est ça. Malheureusement, il est 17h59. Hein. On a couru jusqu'à la fin de l'émission. S'il est 18h quasiment, c'est le moment de retrouver Cap Sport. En ce qui nous concerne, on se retrouve quand? Alors, on se retrouve, on vous redira, mais ça sera le vendredi 15 ou le 22 décembre. Voilà, en fonction des emplois du temps des uns et des autres. On vous mettra toutes les infos sur la page Facebook. Donc, coup d'œil dans le rétro. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre aussi, bien sûr, sur cette page Facebook. Les podcasts, vous pourrez les réécouter d'ici la semaine prochaine. Sans nul doute, on vous souhaite un bon week-end, n'est-ce pas? Mais oui. Bon week-end à tous, travaillez bien. À bientôt. Bisous. Bon week-end. Ciao.